تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، l'auteur a dit, et la rahimah Allah ta'ala, et la preuve concernant la prière et l'aumône légale se trouve dans les paroles du Très-Haut, qui sont également une explication du tawhid. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. On leur avait seulement ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône légale. Telle est la religion de droiture. Le commentateur, rahimahullah ta'ala, a dit « Les principaux actes d'adoration ordonnés par Allah sont les cinq prières quotidiennes qui représentent les droits d'Allah sur le corps de ses serviteurs. Et chacun d'eux est tenu de les accomplir. Quiconque ne le fait pas est sans religion. D'ailleurs, les textes prouvent que celui qui n'accomplit pas la prière est un mécréant qui doit être mis à mort si on lui ordonne de l'effectuer mais qu'il s'y refuse. De nombreux savants attachés au hadith affirme qu'il meurt alors en tant que mécréant. Tel est notamment l'avis de l'imam Ahmed, parmi les chefs des écoles de jurisprudence, Madhab. Néanmoins, selon la majorité des savants de référence, comme l'imam al-Shafi'i, l'imam Malik, et même l'imam Ahmed, selon un autre avis qui lui est attribué, il doit être tué, mais seulement en application de la sentence légale, had, non en tant que mécréant. La prière est donc le droit d'Allah sur le corps, tout comme l'aumône légale est le droit d'Allah sur les biens. Pour preuve, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, on leur avait seulement ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône légale. Telle est la religion de droiture. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillahi rabbil alameen, wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Nous continuons donc la lecture de ce livret « Les trois fondements » du Cheikh Mohammed Ibn Abdel Wahhab, rahimahullah ta'ala. Et nous nous étions arrêtés dans la lecture du second fondement qui traitait de la religion de l'islam. Et nous nous étions arrêtés sur un point très important, à savoir l'explication de la deuxième partie de l'attestation de foi, qui consiste à attester que Mohammed ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. L'auteur continue en disant, et la preuve concernant la prière et l'aumône légale. Il continue donc à parler des piliers de l'islam. Se trouve dans les paroles du Très-Haut qui sont également une explication du tawhid. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. On leur avait seulement ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif. Et c'est là donc l'explication du tawhid à laquelle a fait référence l'auteur, rahimahullah ta'ala, en disant dans les paroles du Très-Haut qui sont également une explication du tawhid, d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône légale, c'est-à-dire az-zakat, et telle est la religion de droiture. Et le Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, a quelque peu développé cela en parlant notamment de l'importance de la prière, en disant, et chacun d'eux, donc en parlant de ses principaux actes d'adoration, est tenu de les accomplir. Quiconque ne le fait pas est sans religion. D'ailleurs, les textes prouvent que celui qui n'accomplit pas la prière est un mécréant qui doit être mis à mort si on lui ordonne de l'effectuer, mais qu'il s'y refuse. Il fait référence ici à l'avis qu'il a fait prévaloir parmi les avis des ulama concernant la personne qui délaisse la prière. En effet, les ulama sont unanimes sur le fait que celui qui renie le caractère obligatoire de la prière est un apostat qui est sorti de l'islam. Puis ils ont divergé quant à la personne qui viendrait a délaissé la prière tout en reconnaissant son caractère obligatoire. Le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah était donc d'avis que celui-ci est un mécréant qui doit être mis à mort si on lui ordonne de l'effectuer, mais qu'il s'y refuse dans le sens où le gouverneur doit sermonner la personne qui délaisse la prière en l'incitant et en le sommant de se repentir. Et s'il ne se repent pas, selon l'avis prédominant, il sera donc mis à mort. Mais on insiste bien que cela donc est du ressort du gouverneur et qu'il ne revient pas à tout un chacun de prendre cette décision-là, encore moins de l'exécuter. Et il a dit donc, tel est notamment l'avis de l'imam Ahmed, parmi les chefs des écoles de jurisprudence, et on avait fait déjà allusion au fait qu'il est préférable de laisser le terme fiqh tel quel et de ne pas le traduire par le mot jurisprudence, comme on l'avait expliqué précédemment. Néanmoins, selon la majorité des savants de référence, comme l'imam Shafi'i, l'imam Malik, et même l'imam Ahmed, selon un autre avis qui lui est attribué, il y a plusieurs avis qui lui sont attribués, il doit être tué, mais seulement en application de la sentence légale, had. Quelle est la différence entre les deux mises à mort? C'est que la première, elle concerne celui qui est apostat et qui est exécuté donc en tant qu'apostat. Alors que la seconde, c'est une sentence légale qui s'applique sur la personne qui est toujours musulmane. Qui est toujours musulmane. Donc selon cet autre avis-là, parmi les avis des ulama, la personne est exécutée, mais pas en tant que mécréant, mais du fait qu'elle s'est rendue coupable d'un acte très grave et que donc la sentence légale lui est appliquée. Non en tant que mécréant. Il convient ici de mettre cette parole-là, donc non en tant que mécréant, entre crochets, du fait que c'est ça ne fait pas partie des propos du Cheikh Ahmed Najmi, mais que certainement donc le frère traducteur Hafidhahullah a voulu être plus explicite dans la traduction, et il a donc rajouté cela, et il a certainement omis de le mettre entre crochets comme il a l'habitude de le faire lorsqu'il agit de la sorte. Donc j'attire votre attention vers le fait que c'est une explication, c'est une, on va dire, une note explicative de la part du traducteur qui est tout à fait correcte, mais qu'il convient de mettre entre crochets, non en tant que mécréant. Na'am. La prière est donc le droit d'Allah sur le corps, tout comme le monde légal est le droit d'Allah sur les biens. Pour preuve les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. On leur avait seulement ordonné d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et d'acquitter l'aumône légale. Telle est la religion de droiture. Na'am. L'auteur dit, rahimahullah ta'ala, la preuve au sujet du jeûne réside dans les paroles du Très-Haut. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Peut-être craindrez-vous Allah. Le commentateur rahimahullah ta'ala a dit, et la preuve du jeûne se trouve dans les paroles du Très-Haut. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Peut-être craindrez-vous Allah. نعم. Ensuite l'auteur rahimahullah a cité la preuve tirée du Coran faisant état de l'obligation du jeûne et du fait que c'est un pilier parmi les piliers de l'islam, et ce en mentionnant la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Oh, vous qui croyez, le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédé. Peut-être craindrez-vous Allah. Également, nous pouvons dire dans la traduction de la fin de ce verset, afin que vous craigniez Allah, comme on l'avait expliqué précédemment. Et on a eu l'occasion de voir précédemment également ce qu'est le jeûne. Ce qu'est le jeûne. Dans la langue arabe, le jeûne, as-siyam, c'est ce qu'on appelle al-imsak, l'abstinence. Na'am. Et dans la religion, quand on parle du jeûne, quand on parle du siyam, c'est le fait de chercher à se rapprocher d'Allah, subhanahu wa ta'ala, en s'abstenant de manger, de boire et de l'ensemble de ce qui rend le jeûne à partir du lever de l'aube véridique jusqu'au coucher du soleil. Tel est donc le jeûne qui est un pilier de l'islam. C'est le jeûne donc du mois de Ramadan. C'est le jeûne du mois de Ramadan. Naam. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit, et la preuve concernant le pèlerinage réside dans les paroles du Très-Haut. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'accomplir le pèlerinage à la maison. Quant aux mécréants, qu'ils sachent qu'Allah se passe largement des mondes. Le commentateur rahimahullah ta'ala a dit, la preuve concernant le pèlerinage réside dans les paroles du Très-Haut, et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'accomplir le pèlerinage à la maison. Quant aux mécréants, qu'ils sachent qu'Allah se passe largement des mondes. Le jeûne et le pèlerinage sont les deux derniers piliers de l'islam. Et le succès vient d'Allah. Naam. Donc ici, le shir, rahimahullah, a cité, après avoir parlé du jeûne, il a cité le cas du pèlerinage, qui est donc le dernier des piliers de l'islam, en rapportant la preuve du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, notamment la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. Et c'est un devoir envers Allah pour les gens qui en ont les moyens d'accomplir le pèlerinage à la maison, c'est-à-dire la maison sacrée. Quant aux mécréants, qu'ils sachent qu'Allah se passe largement des mondes. Et ces propos donc ont été appuyés par le Cheikh Najmi rahimahullah, qui a rajouté le jeûne et le pèlerinage sont les deux derniers piliers de l'islam, et le succès vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'auteur, le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, a dit, le deuxième niveau, la foi. Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala a dit, le deuxième niveau, la foi, l'iman, il s'agit du deuxième niveau de la religion. La foi est plus restreinte que l'islam. Et lorsque les deux notions sont réunies, l'islam désigne les actes extérieurs et la foi les croyances intérieures. En revanche, lorsque l'un de ces concepts est cité seul, il englobe l'autre. À ceci près que la foi est plus restreinte que l'islam, qui est donc plus général que la foi. Reprochant aux bédouins de prétendre qu'ils ont la foi, Allah subhanahu wa ta'ala dit « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. Les bédouins disent, nous avons la foi. Dis, vous n'avez pas encore la foi, mais dites plutôt, nous nous sommes soumis. Les cercles que voici, représentant les trois niveaux de la religion, l'islam, la foi et l'excellence. Naam. Ici donc le shir, l'auteur, rahimahullah ta'ala, continue de parler de ce deuxième principe fondamental qu'est la religion de l'islam. Et après avoir parlé de son premier niveau qui est l'islam, il parle cette fois-ci donc du deuxième qui est la foi. le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah de dire il s'agit du deuxième niveau de la religion. Et ensuite il va expliquer donc ces deux termes. Le terme qui a précédé, l'islam, et celui qu'il traite à présent qui est la foi. Et ce en disant la foi est plus restreinte que l'islam. Et lorsque les deux notions sont réunies, l'islam désigne les actes extérieurs et la foi les croyances intérieures. Donc il faut savoir qu'il y a des termes dans la religion, barakallahu fikum, qui, lorsqu'ils sont réunis, c'est-à-dire lorsqu'ils sont cités dans un même contexte, chacun a un sens qui lui est propre. Chacun a un sens qui lui est propre. C'est le cas de l'islam et de l'iman, l'islam et la foi. Lorsqu'ils sont réunis dans un seul et même contexte, à ce moment-là, l'islam prendra le sens des actes apparents, comme on l'a vu lorsqu'on a dit que les piliers de l'islam, c'est l'attestation que nul Dieu ne mérite d'être adoré si ce n'est Allah et que Mohammed est le messager d'Allah. Ça, c'est quelque chose d'apparent. Également, l'accomplissement de la prière, l'acquittement de la zakat, le jeûne du mois de Ramadan et le pèlerinage, ce sont des actes apparents. Alors que la foi, lorsqu'elle est citée donc avec l'islam, donc dans un même contexte, elle va englober les actes qui ne sont pas apparents, les croyances intérieures. Comme on va le voir plus loin, et comme on l'a déjà vu, les piliers de la foi. La foi en Allah, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, et ainsi de suite. Donc tu as des termes qui sont comme ça dans la religion. Lorsqu'ils sont cités ensemble dans un seul et même contexte, chacun, il a un sens qui lui est propre. Et lorsqu'ils sont cités séparément, alors ils vont prendre le sens qu'ils ont et englober également le sens de l'autre mot. Notamment donc pour l'islam et l'iman, la foi. Si tu trouves dans un texte que l'islam est cité tout seul, alors sache qu'il englobe à la fois les actes apparents ainsi que les croyances intérieures, ainsi que les croyances intérieures. Et c'est là le sens donc des propos du Cheikh Ahmed al-Najmi. Lorsque les deux notions sont réunies, l'islam désigne les actes extérieurs et la foi les croyances intérieures. En revanche, lorsqu'un de ces deux concepts est cité seul, il englobe l'autre. Lorsque l'un de ces deux concepts, c'est-à-dire l'islam et l'iman, l'islam et la foi, est cité seul, il englobe l'autre. À ceci près, c'est là donc un autre point, après avoir parlé de ça, il dit à ceci près que la foi est plus restreinte que l'islam, qui est donc plus générale que la foi. La foi est plus restreinte que l'islam, qui est donc plus générale que la foi. Tu comprends ça comment? Tu comprends ça lorsque tu sais que tout croyant, c'est-à-dire qui a concrétisé la foi, est forcément musulman, alors que tout musulman n'est pas forcément croyant. C'est pour ça qu'on dit donc que la foi est plus restreinte que l'islam, qui est donc plus générale que la foi. Parmi ceux qui appuient ces dires, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, reprochant aux bédouins de prétendre qu'ils ont la foi, قالت الأعراب آمنا. Les bédouins disent, nous avons la foi. قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Dis, vous n'avez pas encore la foi, mais dites plutôt, nous sommes soumis. Mais dites plutôt, nous sommes soumis. Et les cercles que voici représentent les trois niveaux de la religion, l'islam, la foi et l'excellence. Donc ici, vous avez l'auteur, le commentateur, le Cheikh Najmi rahimahullah, qui a expliqué cela donc avec trois cercles. Le premier donc, qui est un grand cercle, celui de l'islam, le grand cercle que vous voyez, C'est celui donc de l'islam. Et celui qui est plus petit, plus restreint, c'est celui de la foi. Celui qui est plus restreint, c'est celui de la foi. Et celui qui est encore plus petit que les deux premiers, c'est celui de l'ihsan, l'excellence, qu'on va voir plus loin, qui est le troisième niveau de la religion. Donc, l'islam que vous voyez ici, qui est plus large, na'am, c'est plus général que la foi, qui est plus restreinte que lui. Na'am. Et pour expliquer cela, le Cheikh Abdurrahman Ibn Qasim al-Najdi, rahimahullah, a dit dans son livre Hashiyat Thalathat al-Usul, à la page 65, il a dit, avec cet exemple-là, c'est-à-dire l'exemple de ces cercles-là, il apparaît clairement la validité de la parole de ceux qui disent que toute personne qui a concrétisé l'excellence ainsi que la foi, donc l'excellence, ça veut dire que c'est le troisième niveau, et la foi donc le second. Toute personne qui a concrétisé l'excellence et la foi est forcément musulman. Alors que ce n'est pas tout musulman qui est forcément croyant, ayant accompli et concrétisé le degré de l'excellence, l'ihsan. En effet, il n'implique pas forcément l'entrée de la personne dans l'islam, n'implique pas forcément qu'elle ait concrétisé l'excellence et la foi. Et là donc il y a un point important qu'il a abordé, rahimahullah ta'ala. Soyez bien attentifs à ça, pour pas comprendre cette explication-là d'une mauvaise manière, qui pourrait être très dangereuse. Et il a dit, et il n'est pas voulu par cela, que celui qui n'a pas concrétisé l'excellence, qui n'a pas concrétisé la foi, est un mécréant. C'est pas ça qui est voulu. Plutôt ce qui est voulu par cela, c'est qu'il est musulman et qu'il a avec lui et qu'il se présente avec un minimum de foi qui vient valider cet islam-là. Cependant, il n'est pas croyant dans le sens où il a la foi complète par laquelle il mériterait d'être loué et qui mériterait d'être complimenté. En effet, si jamais il avait été réellement croyant, dans le sens croyant, qui a concrétisé la foi complète, alors cela l'aurait empêché de commettre les désobéissances, les actes de désobéissance et les actes interdits qu'il commet. Et il a certes été dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu as donné à un tel et tu n'as pas donné à un tel alors qu'il est croyant. Le prophète, il avait donné quelque chose à quelqu'un et il en avait privé un autre. Un de ses compagnons lui a dit, tu as donné un tel et tu as délaissé un tel alors qu'il est croyant. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a de répondre, ou plutôt musulman. Donc, il a bien dit que la personne pouvait être musulmane sans pour autant avoir concrétisé la foi. Et ce qui est voulu par cela, c'est qu'elle n'a pas concrétisé la foi complète. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la foi du tout. Car admettons qu'une personne viendrait à se présenter avec les cinq piliers de l'islam. Mais elle nie un pilier parmi les piliers de la foi. Comme on va les voir, les six piliers de la foi. La foi à Allah, la foi en ses anges, la foi en ses livres, la foi en ses messagers, et ainsi de suite. Cette personne-là, elle sortirait de l'islam. Donc ça nous amène à la définition du musulman. Qu'est-ce que c'est qu'un musulman? Un musulman, c'est quelqu'un qui a concrétisé donc les piliers de l'islam et qui se présente également avec de la foi, ce qui va venir valider cet islam-là. C'est-à-dire, il faut quand même qu'il y ait un minimum, qu'il y ait la base de la foi chez le musulman. qu'il y ait la base de la foi chez les musulmans. Le Cheikh Ibn Qasim de continuer en disant, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, celui qui fornique ne fornique pas lorsqu'il fornique, alors qu'il est croyant. Et celui qui vole ne vole pas au moment où il vole, alors qu'il est croyant. C'est-à-dire, ce qui est voulu par là, c'est le fait de ne pas lui attribuer la foi complète. Donc, la foi complète lui est niée, mais ça n'implique pas forcément qu'il n'a pas la base de la foi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit, par Allah, il ne croit pas celui dont le voisin n'est pas à l'abri de sa nuisance. Et ainsi de suite, donc, jusqu'à la fin des propos du Cheikh Ibn Qasim, rahimahullah, que vous pouvez trouver donc à la page 65 et 66 de son livre Hashiyat Thalathat al-Usul. Donc il est important de bien comprendre ce point-là et de bien l'assimiler. Barakallahu fikum. Naam. L'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, et la foi comporte 70 branches et quelques, dont la plus haute est l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah, et la moins élevée consiste à retirer de la voie publique ce qui nuit aux gens, en sachant que la pudeur est l'une des branches de la foi. Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, a dit, et elle, c'est-à-dire la foi, comporte 70 branches et quelques, et selon une autre version de ce hadith, 70, 60 et quelques. La plus haute est l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah. La plus haute de ces branches est l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Car c'est par ce témoignage de foi que l'homme entre en islam et que sa vie et ses biens sont préservés. Et ces branches sont plus ou moins élevées. Certaines de ces branches sont plus importantes que d'autres en termes de récompense. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la récompense de celui qui accorde l'usufruit d'une brebis. Il est également rapporté qu'aucun acte n'est mieux récompensé que celui de donner de l'eau en aumône. Ainsi, d'après Saïd, Saad s'est rendu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant « Quelle aumône préfères-tu ?» L'eau, répondit-il. Saad ibn Ubadah rapporte avoir demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam « Ô messager d'Allah, Saad, sa mère, est morte. Quelle est la meilleure aumône que je puisse faire en son nom ?» Il répondit « L'eau. » Il dit, il creusa alors un puits en disant, ceci est pour Saad. Quant au fait de retirer de la voie publique ce qui nuit aux gens, il s'agit là d'une des œuvres pieuses les plus insignifiantes, sauf qu'aucune action ne doit être dédaignée et méprisée. D'ailleurs, Abu Huraira radiallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, tandis qu'un homme suivait son chemin, il tomba sur des ronces qu'il retira de la route, Allah le récompensa en lui pardonnant ses péchés. Abu Huraira radiallahu anhu, toujours, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, un chien mourant de soif tournait autour d'un puits. Une prostituée israélite le vit alors et retira l'une de ses bottines. Elle y puisa de l'eau dont elle abreuva le chien. Pour ce geste, ses péchés lui furent pardonnés. L'important est de savoir que celui qui agit conformément à l'une de ses branches, exclusivement pour Allah, a obtenu son agrément à Azza wa Jal, et peut-être même son pardon. Et non. Ici, donc, le Cheikh rahimahullah continue, après avoir commencé à aborder le second niveau de la religion qui est la foi, l'iman. Il a dit, la foi comporte 70 branches et quelques, dont la plus haute est l'attestation qu'il n'y a de divinité qu'Allah. Et on a attiré l'attention, votre attention à plusieurs reprises vers le fait que la traduction correcte de la ilaha illallah, c'est il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Donc, il est impératif de rajouter entre crochets digne d'être adorée. Naam. Et la moins élevée consiste à retirer de la voie publique ce qui nuit aux gens, en sachant que la pudeur est l'une des branches de la foi. Et ici, donc, l'auteur, rahimahullah, fait référence à un hadith authentique rapporté d'après Abu Huraira, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi c'est 70 et quelques branches. Et comme l'a dit le Cheikh, rahimahullah, al-Najmi, dans certaines versions, 60 branches et quelques. La plus haute, c'est l'attestation qu'il n'y a de Dieu qui mérite d'être adoré qu'Allah. Et la plus basse, la moins élevée, consiste à retirer de la voie publique ce qui nuit aux gens. Et la pudeur est une des branches de la foi. Et on comprend donc de ce hadith la justesse des propos des gens de la sunna et du groupe uni sur la vérité qui définissent la foi comme étant une croyance du cœur, une parole de la langue, un acte avec les membres qui augmente par l'obéissance à Allah et qui diminue par sa désobéissance. Naam. Le shir a dit, c'est-à-dire le shir Najmi, rahimahullah, certaines de ces branches sont plus importantes que d'autres en termes de récompense. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné la récompense de celui qui accorde l'usufruit d'une brebis. L'usufruit d'une brebis, c'est-à-dire qu'il met à disposition la brebis qu'il possède pour une tierce personne afin qu'elle en bénéficie. Il y a donc une grande récompense qui réside dans cela. Il y a donc une grande récompense qui réside dans cela. Même si, comme on peut le trouver donc, dans les annotations de bas de page, on peut se rendre compte que le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, a considéré ce hadith comme étant faible. Il est également rapporté qu'aucun acte n'est mieux récompensé que celui de donner de l'eau à un aumône. Et c'est ainsi que le commentateur rahimahullah a cité donc plusieurs actes de mérite. Il a notamment cité le fait de retirer de la voie publique ce qui nuit aux gens, en disant il s'agit là d'une des œuvres pieuses les plus insignifiantes, sauf qu'aucune action ne doit être dédaignée et méprisée. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La tahqiranna min al-ma'roufi shay'a » « Ne méprise rien parmi les actes de bien. » « Ne méprise rien parmi les actes de bien. » C'est-à-dire que même quelque chose qui pourrait te paraître insignifiant, sache qu'avec une bonne intention, l'intention de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et d'obtenir sa récompense, et de s'éloigner de son châtiment, tu peux obtenir donc, arriver à de hauts degrés auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même si l'œuvre est insignifiante. Et écoutez donc ce qu'a mentionné le shir Najmi, rahimahullah, lorsqu'il a dit d'ailleurs, Abu Hurayr rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, tandis qu'un homme suivait son chemin, il tomba sur des ronces qu'il retira de la route, Allah le récompensa en lui pardonnant ses péchés. Abu Huraira toujours rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Un chien mourant de soif tournait autour d'un puits. Une prostituée israélite le vit alors et retira l'une de ses bottines. Elle épuisa de l'eau dont elle abreuva le chien. Pour ce geste, ses péchés lui furent pardonnés. » Et ici, il est intéressant de s'arrêter un peu avec ce hadith-là afin de chercher à comprendre quel est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ce geste, ses péchés lui furent pardonnés. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné. Est-ce que c'est le simple geste? Ou est-ce que ce geste-là, il était animé par une intention particulière? Il n'y a pas de doute que cette prostituée-là, israélite, lorsqu'elle a accompli cet acte-là, lorsqu'elle a fait ce geste-là, il y avait dans son geste beaucoup d'indices, beaucoup de signes qui montrent sa sincérité. Rends-toi compte que cet animal, bien souvent méprisé, parfois rejeté, qui était dans une situation donc il était en train de mourir de soif. Cette prostituée israélite, alors que personne ne la voyait, donc c'était autour d'un puits, Elle est descendue, donc elle a risqué sa vie, elle est descendue dans le puits pour remonter donc de l'eau à ce chien. Donc elle est remontée, donc comment dire, à bout de bras, elle est remontée donc ce puits en tenant sa bottine dans la bouche dans laquelle elle avait mis de l'eau pour pouvoir abreuver ce chien-là, tout ça alors que personne ne la voyait. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, elle n'a pas fait ça pour qu'il soit dit, regarde la bravoure, regarde la pitié que cette femme a pour ce chien. Non, elle a fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la force de sa sincérité. La force de sa sincérité. Et sa noble intention qui ont été la cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Également parmi les sens compris dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour ce geste, ses péchés lui furent pardonnés. Il y a le fait que par ce geste-là de piété, animé par une intention pieuse et sincère vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala a arraché du cœur de cette femme le goût qu'elle avait pris pour le péché qu'elle commettait. Le goût qu'elle avait pris pour le péché qu'elle commettait, étant donné qu'une personne, lorsqu'elle commence à commettre un péché, elle commence à s'y habituer, peut-être même à y prendre goût. Et ça devient très difficile de le délaisser. Ça devient très difficile de le délaisser. Et parmi les moyens qui peuvent permettre le délaissement de ce genre d'actes répréhensibles, il y a les bonnes actions qui sont faites sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Abd al-Razzaq al-Badr hafidhahullah ta'ala rapporte, et c'est le frère, notre frère Daoud al-Andalusi hafidhahullah qui m'a rapporté cela du Cheikh, car je ne l'ai pas entendu de mes propres oreilles. Il était en train d'expliquer cette chose-là. Et il a cité une anecdote. Il disait qu'il y avait un jeune homme qui était dépendant de l'alcool. Et il était connu dans son quartier pour être quelqu'un qui était dépendant de l'alcool. À tel point que les gens, donc, ne pensaient pas du tout à ce que cette personne, un jour, à ce que ce jeune homme, un jour, puisse rentrer dans le droit chemin, tellement qu'il était éloigné d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est alors qu'un jour il s'est mis à être fidèle à la mosquée. La prière à l'heure, au premier rang, il restait même après la prière du matin, jusqu'au lever du soleil, à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à l'évoquer. Et la personne qui a rapporté cette histoire-là au Cheikh Abd al-Razzaq, hafidhahullah, elle a dit, un jour je suis allé le voir et je lui ai demandé quelle était son histoire, qu'est-ce qui s'était passé donc pour qu'il y ait ce changement-là en lui. Et ce jeune homme, donc, il lui a raconté qu'auparavant, donc, il était dépendant de l'alcool et qu'il avait pour habitude de passer la nuit avec ses compagnons, avec ses amis, à boire. Et le lendemain matin, qu'est-ce qu'il faisait ? Il buvait à nouveau afin de s'endormir jusqu'au soir. Mais il disait donc qu'il n'arrivait pas à boire avant d'avoir mangé quelque chose. Et un matin, il n'avait rien à manger. Il a donc pris un peu de monnaie et il s'est rendu donc dans une épicerie afin d'acheter donc de quoi manger, afin de manger un peu, de se mettre quelque chose dans le ventre pour par la suite boire ce qu'il avait l'habitude de boire afin de s'endormir jusqu'au soir et de continuer donc la vie qu'il avait l'habitude de mener. Et il a dit, alors que je me dirigeais vers cet endroit donc pour acheter donc à manger, j'ai trouvé un petit chiot. J'ai vu sur le bord un petit chiot qui avait froid. et qui a été en train de trembler. Et j'ai été pris de pitié pour lui. Et tellement que j'ai eu pitié de lui, au lieu d'acheter donc, de m'acheter à manger, je lui ai acheté un peu de lait et je l'ai pris avec moi, donc je l'ai mis dans mon habit afin de le réchauffer et je l'ai ramené avec moi, chez moi, donc, et j'ai pris soin de lui et je l'ai nourri, donc je lui ai donné à boire. Et donc il n'avait pas ramené à manger pour lui. Et il a dit, et par la suite, j'ai réussi à m'endormir sans pour autant avoir mangé ni bu. Je me suis endormi, et lorsque je me suis réveillé, je n'avais plus aucune envie de boire de l'alcool. Même plus que ça, cette chose-là, donc, l'avait dégoûté. Et il n'avait plus aucun goût pour l'alcool. Et par la suite, donc, ça l'a mené à se repentir. Et à être fidèle à la mosquée et à la prière en congrégation, donc, à la mosquée. Et le shir, il expliquait, donc, que ce genre d'acte-là, qui réunissent donc les indices de la sincérité, la personne donc elle fait ça alors que personne ne la voit si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, et beaucoup de choses laissent à penser que la personne ici donc est sincère, c'est une cause qui permet de délaisser les actes répréhensibles que cette personne-là avait l'habitude de commettre. Et c'est donc le cas ici de cette prostituée israélite qui pour ce geste se vit pardonner ses péchés du fait donc de sa sincérité et de sa noble intention, de son désir de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, et également du fait que par la suite ça l'a mené à délaisser ce péché qu'elle avait l'habitude de commettre. Et le Cheikh Najmi dit, après avoir mentionné ces hadiths, l'important est de savoir que celui qui agit conformément à l'une de ces branches, exclusivement pour Allah, a obtenu son agrément et peut-être même son pardon. Le Cheikh, l'auteur, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahimahullah, il avait également cité donc la pudeur en disant que c'est l'une des branches de la foi. Et la pudeur, c'est quelque chose qu'il y a dans le cœur de la personne, à l'intérieur de la personne. C'est un noble comportement qui pousse la personne à délaisser les choses viles et méprisables. Et c'est dans ce sens-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la pudeur est une branche de la foi. Donc il a considéré la pudeur comme étant une partie de la foi, et non pas la foi tout entière. Pourquoi ? Car la foi, elle revient à accomplir des actes d'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, à se conformer à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une part, et d'une autre part à délaisser les interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la pudeur, ça concerne cette deuxième partie-là, à savoir donc le fait de délaisser les choses répréhensibles, interdites, viles, et méprisable. C'est pour ça donc que le prophète alayhi salatu wa salam a dit, et la pudeur est une branche de la foi, c'est-à-dire c'est une partie de la foi. Non. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit, et ses piliers sont au nombre de 6, croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et croire au destin, bon ou mauvais. Et la preuve au sujet de ces 6 piliers se trouve dans les paroles du Très-Haut. « لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ » La vertu ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant. « وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ » Ce n'est pas inscrit ici en arabe. La fin du verset donc c'est « وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ » On va le trouver en français. La vertu ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la vertu consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes. Et la preuve... Non. Et la preuve concernant le destin, إِنَّ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ. En vérité, nous avons créé toute chose selon un décret. Cheikh Najmi, rahimahullah ta'ala, a dit, et ses piliers sont au nombre de 6. Les piliers de la foi sont au nombre de 6, comme nous l'apprend notamment le hadith de Jibril. Il s'agit de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier et de croire au destin, qadar, bon ou mauvais. La foi en Allah, elle comprend, premièrement, la foi en son existence, subhanahu wa ta'ala. Allah le Très-Haut dit, قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. Est-il possible de douter d'Allah, le Créateur des cieux et de la terre? Et le Très-Haut dit, إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. Allah maintient les cieux et la terre pour qu'ils ne s'affaissent pas. Et s'ils s'affaissaient, nul autre après lui ne pourrait les soutenir. Deuxièmement, la foi en son unicité en tant que divinité. Il n'y a de divinité digne d'être adorée que lui, Seigneur absolu et divinité pure. Il est le créateur de ce monde sur lequel il règne en maître absolu et qu'il gouverne selon sa volonté. Il rend heureux ou malheureux, il accorde ou il retient, il rend pauvre ou riche, malade ou en bonne santé, il fait vivre et mourir. Tout est entre ses mains et chaque créature ira à lui. Il n'y a de divinité que lui et rien ni personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Troisièmement, la foi en ses noms et attributs. Il possède la puissance absolue et la sagesse infinie. Il entend et voit parfaitement toutes choses. Il est le sage dont la sagesse ne peut être cernée par un esprit humain et il est bon envers ses créatures. Il est obligatoire de le décrire avec les attributs les plus hauts et les noms les plus beaux. Mais en gardant à l'esprit que s'agissant des noms et attributs divins, il faut se limiter à ce qu'Allah et son messager nous ont enseigné. Nous croyons par exemple qu'il s'est élevé, istawa, au-dessus de son trône, tout en étant séparé de ses créatures qu'il embrasse de sa connaissance. Nous croyons que, dans le dernier tiers de chaque nuit, il descend au niveau du ciel de ce monde et dit « Qui m'invoque afin que je l'exauce? Qui me demande afin que je lui donne ?» Qui m'implore mon pardon afin que je lui pardonne? Nous croyons que son visage est différent de nos visages, sa main différente des nôtres. Ses attributs sont aussi parfaits que son essence et il est de notre devoir de croire en eux et en leur signification, mais sans chercher à deviner le comment de ses attributs. Ainsi, à celui qui lui demanda, « Comment s'est-il élevé ?» Malik répondit, « L'élevation, al-istiwa, est une notion connue, mais le concernant, nous ignorons comment. » Par contre, il est obligatoire d'y croire et le nier relève de la mécréance. Il importe donc de savoir que la foi en Allah comprend la foi en son existence, en son unicité en tant que divinité et en ses noms et attributs. Na'am. Donc ici, l'auteur rahimahullah continue à parler de la foi en citant ses piliers, qui sont au nombre de 6, croire à Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers au jour dernier, et croire au destin bon ou mauvais. Et la preuve au sujet de ces 6 piliers se trouve dans les paroles du Très-Haut. Laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal-maghrib, walakinna al-birra man amana billahi wal-yawmil akhir wal-malaikati wal-kitabi wan-nabiyyin. Et la preuve concernant le destin, étant donné que dans ce premier verset, il y a 5 des 6 piliers qui ont été mentionnés, la preuve du sixième, qui n'est autre que le destin, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar. En vérité, nous avons créé toute chose selon un décret. Et le Sheikh Najmi rahimahullah va par la suite s'atteler donc à expliquer ces 6 piliers-là de manière brève. Et il a donc abordé la foi à Allah en citant 3 points. En disant donc que cela comprend, premièrement, la foi en son existence. La foi en son existence. Deuxièmement, la foi en son unicité en tant que divinité. Et troisièmement, la foi en ses noms et attributs. La foi en ses noms et attributs. On avait eu l'occasion précédemment de voir qu'on peut citer ici 4 points. À savoir le fait d'avoir foi en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là un premier point. Un second point, la foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala en tant que Seigneur. Troisièmement, la foi en son unicité en tant que divinité, comme l'a dit le Shir ici. Et troisièmement, la foi en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et attributs. Et le Shir Ahmed rahimahullah, il a cité trois points. Et en vérité, tu trouves dans le second deux points, étant donné qu'il a dit la foi en son unicité en tant que divinité. Il n'y a de divinité digne d'être adorée que lui. Seigneur absolu et divinité pure. Seigneur absolu et divinité pure. Et cette manière de faire de la part du Shir, rahimahullah, elle est tout à fait correcte et judicieuse. Du fait que toute personne qui aura concrétisé le tawhid dans l'adoration, le fait donc qu'il aura la ferme conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala est unique en tant que divinité, et qui aura unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration, il aura forcément au préalable unifié Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. En ayant la conviction qu'il est le créateur de ce monde, sur lequel il règne en maître absolu, et qu'il gouverne selon sa volonté, il rend heureux ou malheureux, il accorde ou il retient, il rend pauvre ou riche, malade ou en bonne santé, il fait vivre et mourir, tout est entre ses mains, et chaque créature ira à lui. C'est là donc l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie. Et le Sheikh Najm de continuer, il n'y a de divinité digne d'être adoré que lui. Et rien ni personne ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Après donc avoir cité le tawhid, tawhid al-rububiyya, le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie, il a évoqué l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration, le fait qu'il est le seul à mériter d'être adoré. Et on avait dit que c'est là la méthodologie coranique qui consiste à argumenter par l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa seigneurie pour montrer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et l'unique à mériter l'adoration. Puis il a parlé de la foi en ses noms et attributs. C'était là le troisième point cité par le Shir Ahmed rahmatullahi alayhi. En disant il possède la puissance absolue et la sagesse infinie. Il entend et voit parfaitement toutes choses. Il est le sage dont la sagesse ne peut être cernée par un esprit humain. Et ça, c'est quelque chose que le croyant a sans cesse dans le cœur. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le sage dont la sagesse ne peut être cernée par un esprit humain. C'est pour ça que le croyant, il sait que dans chaque décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une sagesse. Qu'il connaisse cette sagesse-là, ou qu'il ne la connaisse pas. Et si jamais il ne voit pas la sagesse dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, le croyant, il a la ferme conviction qu'il y a dans ce décret une sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala que lui, il n'est pas parvenu à cerner. À l'inverse de celui qui est empli de doute, du mécréant, qui renie Allah subhanahu wa ta'ala ou qui a une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause de certains décrets qu'il n'est pas parvenu à comprendre et encore moins à cerner. Et c'est là la cause de l'égarement de nombreuses créatures. Comme le disait Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, le fait que l'être humain n'accepte pas le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala à cause du fait qu'il n'est pas parvenu à cerner la sagesse qui résidait dans ce décret-là. Et ça a mené donc beaucoup de gens, qu'Allah nous en préserve, à avoir une mauvaise opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh de l'Islam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, de dire ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا مستقل ومستكثر وفتش نفسك هل أنت سالم فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيَ. Il disait, et si tu observais n'importe quelle personne, tu verrais en elle une sorte de reniement du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, le fait qu'elle blâme le décret. Et certaines parmi elles exagèrent dans cela et d'autres exagèrent au moins. Et ensuite il a dit, وَفَتِّشْ نَفْسَكَ. Et scrute avant tout ton âme. Est-ce que toi tu es exempt de tout reproche à ce niveau-là? Puis il a cité le vers de poésie, فَإِنْ تَنْجُ مِنْهَا تَنْجُ مِنْ ذِي عَظِيمَ وَإِلَّا فَإِنِّي لَا إِخَالُكَ نَاجِيَ. Car si jamais tu en échappes, si jamais tu échappes à ce piège-là du diable, concernant donc le décret, concernant le fait de ne pas accepter le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, du fait que tu n'es pas parvenu à cerner la sagesse qui réside dedans, si jamais tu en échappes, alors tu as certes échappé à quelque chose de très grave, et si ce n'est pas le cas, alors je crains pour toi que tu ne sois pas sauf. Il est donc important d'avoir cela sans cesse à l'esprit, dans le cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le sage dont la sagesse ne peut être cernée par un esprit humain. Et le Cheikh Ahmed rahimahullah de continuer en disant, il est bon envers ses créatures. Il est obligatoire de les décrire avec les attributs les plus hauts et les noms les plus beaux. Mais en gardant à l'esprit que s'agissant des noms et attributs divins, il faut se limiter à ce qu'Allah et son messager nous ont enseigné. Et c'est là donc une règle importante parmi les règles liées au domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il convient de se limiter les concernant à ce qu'Allah et son messager nous ont enseigné. Puis il a cité des exemples en disant, nous croyons qu'il s'est élevé, istawa, au-dessus de son trône, tout en étant séparé de ses créatures, qu'il embrasse de sa connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, dans de nombreux passages du noble Coran. Ar-Rahman wa ala al-Arsh istawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Nous avons donc la conviction qu'il est élevé au-dessus du trône et qu'il est distinct de ses créatures, qu'il embrasse de sa science. Qu'il embrasse de sa science. Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de ses créatures, au-dessus du trône, et sa science embrasse toute chose. Et sa science embrasse toute chose. Nous croyons que dans le dernier tiers de chaque nuit, il descend au niveau du ciel de ce monde et dit, qui m'invoque afin que je l'exauce, qui me demande afin que je lui donne, qui implore mon pardon afin que je lui pardonne. Nous croyons que son visage est différent de nos visages. Comme l'a dit donc le Cheikh Ahmed al-Najmi rahimahullah, nous croyons que son visage est différent de nos visages. Mais nous affirmons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a un visage. Nous affirmons cette chose-là. Et le comment, comme on va le voir, le comment, on le renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala et on ne cherche pas donc à connaître le comment, étant donné que nos esprits sont limités et ne peuvent pas avoir la connaissance de cela. Nous croyons que son visage différent de nos visages, sa main différente des nôtres. Ses attributs sont aussi parfaits que son essence. Et il est de notre devoir de croire en eux et en leur signification. Donc nous croyons aux noms et attributs et également à leur signification. Et ça c'est important de mentionner cela car tu trouves des gens qui te disent la signification, nous renvoyons cela à Allah. Allah est plus savant quant à la signification de ses noms et attributs. Et ça, c'est une parole très grave. C'est la parole de ce qu'on appelle les gens du tafwid, les adeptes du tafwid, qui fait partie des pires propos qui ont été tenus par les innovateurs et qui impliqueraient s'ils étaient suivis dans cela, que dans le Coran et la Sunna, il y ait des textes qui ne puissent pas être compris par l'être humain, qu'il y ait des textes qui ne puissent pas être compris par l'être humain. Rends-toi compte combien de versets sont clôturés par la mention des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça voudrait dire que tous ces versets-là, tu ne peux pas en comprendre le sens. Parmi les élèves d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qui était donc parmi les compagnons les plus savants en matière d'explication du Coran, parmi ses élèves, il en est qui ont lu sur lui le Coran en l'arrêtant à chaque verset afin qu'il leur explique. À chaque verset. Et combien tu as de versets qui sont clôturés par la mention des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça voudrait dire donc que tous ces versets-là, il n'a pas pu leur expliquer, alors que ces élèves-là, donc, ils disent textuellement qu'Ibn Abbas leur a expliqué. Donc la signification, elle est connue. Mais comme on l'a vu, c'est le comment que nous ne pouvons pas connaître. C'est le comment que nous ne pouvons pas connaître. C'est pour cela que le Cheikh Najmi rahimahullah a dit, mais sans chercher à deviner le comment de ses attributs. Pourquoi ? Car le comment d'une chose, tu ne pourras le connaître que si tu l'as déjà vu. Ou que si tu as vu quelque chose qui est similaire. Ou que si tu as quelqu'un digne de confiance, fiable, honnête, qui a vu cette chose-là et qui est venu t'en informer. Or, concernant Allah subhanahu wa ta'ala, nous ne l'avons pas vu, rien ne lui est similaire, afin que nous puissions voir cette chose-là qui lui serait similaire, et personne ne l'a vu pour venir nous informer du comment. C'est pour ça donc que la connaissance du comment est impossible nous concernant. La connaissance du comment est impossible nous concernant. Par contre, nous avons dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam une description qui est faite de lui par ses noms et attributs. Comme nous en avons vu certains exemples dans les propos du Cheikh Ahmed Najmi rahimahullah, lorsqu'il a dit, nous croyons par exemple qu'il s'était levé, istawa au-dessus de son trône, tout en étant séparé de ses créatures, qu'il embrasse de sa connaissance. Il a également mentionné par la suite, nous croyons que son visage est différent de nos visages, sa main différente des nôtres, et ainsi de suite, la suite donc, le restant des noms et attributs qui ont été mentionnés dans le Coran et la sunna du messager d'Allah, Muhammad ibn Abdullah, sallallahu alayhi wa sallam. Et concernant ce domaine-là, le domaine des noms et des attributs, il y a trois règles qu'il est important de connaître, d'assimiler, de mémoriser. Ce sont les trois règles fondamentales concernant la croyance du musulman liée aux noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première de ces règles-là, c'est le fait d'affirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé le concernant dans son livre ou par la bouche de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Affirmer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a affirmé le concernant dans son livre ou par la bouche de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est le premier point. Le second point, exempter Allah subhanahu wa ta'ala de ce qu'il s'est lui-même exempté dans son noble livre ou par la bouche de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui revient donc à l'exempter de tout défaut, de toute imperfection. Ce qui revient donc à l'exempter de tout défaut, de toute imperfection. C'est là donc le second point, la seconde règle importante à retenir. Le premier donc c'est l'affirmation qui revient donc à affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala la perfection Et le second point, c'est le fait d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de tout défaut et de toute imperfection. Et le troisième point, c'est le fait de couper court à toute recherche du comment. Couper court à toute recherche du comment. Ce qui vient prouver, appuyer ces règles-là, il y a notamment donc la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala concernant les deux premières règles que vous avez entendues. Laïsa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Laïsa kamithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. Nul ne lui est semblable, rien ne lui est semblable, et il est celui qui entend et voit parfaitement. Rien ne lui est semblable, et il est celui qui entend et voit parfaitement. Dans la première partie de ce verset, tu retrouves quoi ? Tu retrouves la négation. Le fait d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de la ressemblance à n'importe quelle créature, ou que n'importe quelle créature ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala, tu trouves la négation de cela. Le fait d'exempter Allah subhanahu wa ta'ala de cela, ce qui revient à exempter Allah subhanahu wa ta'ala de tout défaut ou imperfection. Et la deuxième partie du verset, « Wa huwa as-sami'u al-basir » et il est celui qui entend et voit parfaitement, tu retrouves cette fois-ci l'affirmation que tu retrouvais donc dans la première règle qu'on a mentionnée. Et concernant la troisième règle, qui consiste à couper court à toute recherche du comment, tu peux citer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا » Et ne recherche pas ce à propos de quoi tu n'as aucun savoir, car certes l'ouïe, la vue et le cœur, à propos de tout cela, nous serons questionnés. Tu te dois donc de ne pas chercher ce à propos de quoi tu n'as aucun savoir, et on a démontré précédemment que le comment des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'avons pas la possibilité de le connaître. Et le Cheikh Ahmed, rahimahullah, a cité une parole très importante de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, qui fut questionné à propos de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahman wa ala al-Arshistawa, le tout miséricordieux s'est élevé au-dessus du trône. Et le questionneur lui a dit, comment s'est-il élevé ? Il a demandé donc, comment ? Il a posé une question sur le comment. Comment s'est-il élevé ? Malik, rahimahullah, de répondre. Et dans certaines versions de cette anecdote-là, il est rapporté qu'il a commencé à suer et que les marques de la colère sont apparues sur son visage. Qu'il a dit, l'élévation à l'istiwa est une notion connue. Al-istiwa ma'loum. Mais le concernant, nous ignorons comment. Par contre, il est obligatoire d'y croire. Et le nier relève de la mécréance. Et dans certaines versions, et le fait de poser une question à son sujet, c'est-à-dire au sujet du comment. Pas au sujet du sens. Le sens, il est connu, on l'a dit. L'élévation, c'est l'élévation. Tu sais ce que c'est. Par contre, le comment, le fait de poser une question à propos du comment, c'est une innovation. Comme cela a été rapporté dans certaines versions de cette anecdote, l'imam Malik, rahimahullah, a dit وَالسُّؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةً. Et le fait de poser, de questionner à son propos, c'est-à-dire à propos du comment, est une innovation. Et il a continué en lui disant, et je ne vois en toi qu'un innovateur. Il a alors demandé à ce que cette personne-là soit mis en dehors de la mosquée. Ce qui a mené donc Al-Qahtani, dans sa nounia connue, de dire « La talqa mubtadi'an wa la mutazandiqa illa bi'absati malikin il-ghadbani » ne rencontre aucun innovateur ou hérétique si ce n'est avec la dureté du visage d'un malik en colère. Rahimahullah ta'ala. Naam. Deuxièmement, la foi aux anges. Il est de notre devoir de croire à tous les types d'anges, que certains sont chargés de soutenir le trône, alors que d'autres, les rapprochés d'Allah, se trouvent autour du trône. Les anges les plus rapprochés du trône sont Gabriel, Djibril, Michael, Michaël, Israfil, l'ange de la mort, le gardien de l'enfer, Malik, et celui du paradis, Redouane. Les gardiens de l'enfer ont été créés par Allah pour que par eux les hommes subissent son courroux. Ils ne rient jamais et sont sans pitié, à l'inverse des anges du paradis. Et parmi les éléments qui prouvent que les anges sont innombrables, ces paroles adressées à l'ange Djibril par le prophète sallallahu alayhi wa sallam après qu'il eut visité la maison fréquentée, Al-Bayt al-Ma'mour, au cours du voyage nocturne, Al-Isra, chaque jour, 70 000 anges y prient, puis en sortent, sans plus jamais y revenir, ayant accompli la dernière chose qui leur était imposée. Si telle est la condition que de ces anges, depuis qu'Allah a créé les cieux et la terre, qui pourrait alors les dénombrer? D'autant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, « En vérité, je vois ce que vous ne voyez pas, et j'entends ce que vous n'entendez pas. Le ciel craque sous le poids des anges, et il est en droit de le faire. » En effet, il n'y a pas d'espace aussi petit soit-il, littéralement de quatre doigts. Non, dans le hadith, littéralement, donc c'est de quatre doigts. Et donc, pour faire comprendre cette expression-là, le traducteur donc a été contraint d'expliquer donc le sens de cette expression-là en disant donc aussi petit soit-il. En effet, il n'y a pas d'espace aussi petit soit-il. Et littéralement donc. De quatre doigts, na'am. Sans qu'un ange n'y pose son front, en prosternation devant Allah. Je jure par Allah que si vous saviez ce que je sais, vous ririez bien peu et pleureriez beaucoup. Vous ne pourriez plus jouir de vos femmes et vous iriez sur les routes, implorant le secours d'Allah, et j'aimerais être un arbre que l'on taille à la serpette. Et na'am. Il est donc obligatoire de croire aux anges, de croire qu'ils sont présents autour de nous, mais sans que nous puissions les voir. Tout comme les djinns qui existent autour de nous, mais que nous ne voyons pas. Troisièmement, la foi au livre. Et non, donc ici, l'auteur, le Cheikh Ahmed al-Najmi, rahimahullah, a abordé deuxième point, le deuxième pilier de la foi, à savoir donc la foi aux anges. Il est de notre devoir de croire à tous les types d'anges, que certains sont chargés de soutenir le trône, alors que d'autres, les rapprochés d'Allah, se trouvent autour du trône. Puis il en a cité donc certains, il a cité le nom de certains de ces anges-là, en mentionnant également leur fonction. Et nous, concernant ces anges, nous croyons en eux de manière globale, dans ce qui nous a été mentionné de manière globale. Et nous croyons en eux de manière particulière, dans ce qui nous a été cité de manière particulière, concernant leur nom, concernant leur fonction. Na'am. Et ainsi de suite. Et nous savons donc que les anges sont créés à partir de lumière. Que les anges sont créés à partir de lumière. Et ici donc, on a pu voir également qu'ils sont très nombreux. À tel point que chaque jour, 70 000 d'entre eux entrent dans la maison fréquentée Al-Bayt al-Ma'mour. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Chaque jour, 70 000 anges y prient, puis en sortent, sans plus jamais y revenir, ayant accompli la dernière chose qui leur était imposée. » Et également le Cheikh Ahmed de mentionner la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam « En vérité, je vois ce que vous ne voyez pas, et j'entends ce que vous n'entendez pas. » Le ciel craque sous le poids des anges, et il est en droit de le faire. En effet, il n'y a pas d'espace aussi petit soit-il, littéralement de quatre doigts, sans qu'un ange n'y pose son front en prosternation devant Allah. Je jure par Allah que si vous saviez ce que je sais, vous ririez bien peu et pleureriez beaucoup. Vous ne pourrez plus jouir de vos femmes, tellement que vous serez donc préoccupés par cette chose-là. Et vous irez sur les routes implorant le secours d'Allah. Et j'aimerais être un arbre que l'on taille à la serpette. La serpette, donc, c'est un outil de jardinage donc, qui est utilisé donc, pour couper les arbres. Et c'est une expression utilisée ici qui est dans le sens de vouloir donc être un arbre que l'on taille à la serpette, qui serait donc une chose sans grande valeur, qui n'aurait pas par la suite à être jugée. Étant donné que la réalité de la chose, elle est si grave, à tel point que si jamais on savait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam savait, on rirait peu et on pleurerait beaucoup. À tel point donc d'aller sur les routes en implorant le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est une manière donc de te montrer la gravité de la chose, mon frère. La gravité de la situation. Ce qu'il y a en enfer. Également, de ce qu'il y a donc de ce qui se passe dans les cieux. Au vu donc, ou à la vue de l'adoration accompli par les anges pour Allah subhanahu wa ta'ala, et également de ce qui se trouve dans l'au-delà comme affre et terreur. Donc c'est quelque chose qui n'est pas anodin, qui n'est pas léger. À tel point le prophète sallallahu alayhi wa sallam a terminé, disait, et j'aimerais être un arbre que l'on taille à la serpette. Et ce genre de propos-là ont également été tenus par bon nombre de salafs parmi les plus prédécesseurs de cette communauté qui a l'idée d'être jugé, préféré être un objet inerte, sans grande valeur, négligé par les autres, yarhamukallah, mais qui, au final, n'aurait pas à être jugé. Et rends-toi compte ici que l'étude de ce genre de livres-là, ces livres donc de croyances, aussi modestes soient-elles, c'est-à-dire l'étude, ça te donne l'occasion d'aborder des textes de ce genre-là. Des textes du Coran, des textes de la Sunna, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des paroles des pieux prédécesseurs, salaf al-salih, qui contiennent, pour la personne qui médite et qui cherche à profiter de ces livres-là, qui contiennent la véritable éducation de l'âme, Et j'attire votre attention vers cette chose-là, étant donné qu'il y a des gens imposteurs qui taxent ce genre de livres-là et leurs auteurs d'être dénués de tout aspect éducatif. Alors qu'en vérité, et tu t'en rends compte toi-même, quand tu étudies ces livres-là, tu apprends les bases de ta religion. Tu construis ta religion sur des bases solides. De même que tu abordes des textes qui font vivre en toi et qui éveillent en toi la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala et le fait de chercher à te rapprocher de lui. Jalla fi'ula. Et c'est ça la véritable éducation. Mais ces gens auxquels j'ai pu faire allusion, en vérité, lorsqu'ils taxent les gens de la sunna et lorsqu'ils qualifient leurs livres comme étant dénués de tout aspect éducatif, qu'est-ce qu'ils cherchent en vérité? Le musulman avisé qui comprend les choses, comme on dit, il se rend compte en vérité que ces gens-là, ils ne cherchent qu'à éloigner les gens de la communauté de leurs savants afin de les ramener vers eux. Afin de les ramener vers eux, afin de leur proposer leur propre vision des choses. Qu'Allah nous en préserve. Énorme. Troisièmement, la foi au livre. Nous croyons au livre révélé, ceux qui ont été mentionnés et nommés comme ceux qui l'ont, comme ceux qui ne l'ont pas été. Parmi les livres mentionnés, la Torah révélée à Moïse, Moussa, l'Évangile révélé à Jésus, Issa, les psaumes, Az-Zabur, de Daoud, les feuilles, As-Suhuf, d'Abraham, Ibrahim, et le Coran révélé à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Nous croyons qu'un livre fut donné à chaque messager et que tous reçurent l'ordre d'appeler les hommes au tawhid et de les mettre en garde contre le shirk. Le Très-Haut dit « وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبَلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ » En effet, il t'a été révélé, ainsi qu'à ceux qui t'ont précédé, si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera assurément vaine et tu seras très certainement du nombre des perdants. Nous devons croire aux livres révélés de manière générale, s'ils ont été mentionnés de manière générale et dans les détails qui nous ont été donnés. Si nous avons été informés de ces livres de façon détaillée, s'agissant de notre livre, le Coran, notre foi en lui doit concerner tous les détails qui nous ont été donnés à son sujet. Non. Ce que nous avons dit concernant les anges et que nous avions développé. Et Naam, essayez de. Ceux qui sont donc vers l'entrée, qu'ils essaient de se rapprocher pour laisser la place donc au, à ceux qui arrivent pour la prière, vu que c'est pas très. C'est un peu à l'étroit. Et Naam. Taïb. Donc, ce qu'on a mentionné concernant la foi aux anges, nous le disons donc concernant la foi aux livres. C'est-à-dire que nous croyons au livre de manière globale, dans ce qui a été mentionné de manière globale et de manière particulière, concernant ce qui a été mentionné de manière particulière, à savoir le nom de certains d'entre eux, comme la Torah révélée à Moïse, l'Évangile révélé à Issa, appelé donc, qui est appelé donc ici Jésus, Issa, les psaumes, Az-Zabur, de Daoud, les feuilles as-suhuf d'Ibrahim et le Coran révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et tous ces livres-là donc qui appelaient les hommes au tawhid à unifier Allah subhanahu wa ta'ala et les mettaient en garde contre le shirk, le polythéisme. Naam. Quatrièmement, la foi aux messagers. Il s'agit de croire aux messagers d'Allah en chacun d'entre eux en particulier, pour ceux qui ont été mentionnés. Nous croyons en leur message, mais sans rentrer dans les détails. En ce qui concerne ceux qui n'ont pas été cités, nous croyons qu'Allah a envoyé des messagers afin de guider l'humanité. Le premier d'entre eux étant Nuh, et le dernier, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que nous avons dit donc concernant les anges et les livres, nous le disons également concernant les messagers qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé. Na'am. Cinquièmement, la foi au jour dernier. Le jour qui ne sera suivi par aucun autre jour. Le jour équivalent à 50 000 ans. Le jour où chaque homme viendra défendre son cas. En ce jour, les hommes seront récompensés pour leurs œuvres. Le paradis pour le croyant et l'enfer, qu'Allah nous en préserve, comme demeure des mécréants. Nous croyons donc au paradis et à l'enfer. L'un étant le refuge de ceux qui accomplissaient le bien et l'autre le refuge de ceux qui commettaient le mal. Naam. Également donc la foi, et c'est là le cinquième des piliers, la foi au jour dernier. Et la foi au jour dernier de manière générale, ça consiste à avoir la foi en tout ce qui va se passer après la mort. Tout ce qui va se passer après la mort. En commençant donc par la tentation de la tombe, qui réside dans les trois questions posées par deux anges, appelés Munkar et Nakir, qui questionnent à propos du Seigneur adoré, de la religion suivie et du prophète que la personne donc Suivez. Trois questions donc qui sont posées dans la tombe. Et ainsi de suite, donc, tout ce qui va se passer par la suite, dans le monde intermédiaire, appelé Al-Barzakh, puis par la suite, le jour du jugement, et également le paradis, la demeure des pieux, ainsi que l'enfer, la demeure des damnés, qu'Allah nous en préserve. Naam. Sixièmement, et pour finir, la foi au destin, bon ou mauvais. Nous croyons que le destin, qu'il soit agréable ou désagréable, provient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a écrit tout cela dans la tablette préservée, Al-Lawh al-Mahfouz, et a su qui d'entre nous serait du nombre des damnés et qui ferait partie des bienheureux. Nous croyons que les hommes vont inéluctablement vers ce qui leur a prédestiné et qui en même temps est le résultat de leur choix. Nous croyons qu'Allah les punira, les réprouver, car ils ont préféré l'égarement, dalala, à la bonne direction, le huda, le dévouement à la droiture. Nous implorons donc Allah subhanahu wa ta'ala de nous placer parmi les hommes droits et bien guidés. Puis l'auteur a présenté les preuves de ce qu'il avance. En effet, ce verset de la sourate La Vache prouve qu'il est obligatoire de croire au pilier de la foi. Le verset les mentionne tous, à l'exception du destin dont la preuve se trouve dans les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. En vérité, nous avons créé toute chose selon un décret. Ici, l'auteur, ou plutôt le commentateur, le Sheikh Najmi rahimahullah, termine l'explication brève de ces six piliers en mentionnant la foi au destin bon ou mauvais. Mentionné dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. En vérité, nous avons créé toute chose selon un décret. En vérité, nous avons créé toute chose selon un décret. Et pour résumer la croyance du musulman au destin, qu'il soit bon ou mauvais, il convient de mentionner quatre points. Il convient de mentionner quatre points qui sont les étapes de la prédestination. Qui sont les étapes de la prédestination. Le premier de ces points, la première de ces étapes, c'est la science, al-ilm, qui consiste à avoir la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a la science de tout ce qui se passe et de tout ce qui ne s'est pas passé. Et de ce qui ne s'est pas passé, si ça s'était passé, comment ça se serait passé ? Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer. Sa science embrasse toutes choses. Il sait ce qui s'est passé, ce qui se passe actuellement et ce qui va se passer dans le futur. Et il sait également ce qui ne s'est pas passé. Et concernant ce qui ne s'est pas passé, il sait comment ça se serait passé si ça s'était passé. Allah subhanahu wa ta'ala dit, en parlant des hypocrites qui s'étaient abstenus de sortir avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons pour une bataille, il a dit, لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. Si jamais ils étaient sortis, donc en votre compagnie, ils ne vous auraient causé que des problèmes. Donc il sait comment ça se serait passé si cette chose qui ne s'est pas passée s'était passée. Et également, Allah subhanahu wa ta'ala dit concernant les habitants de l'enfer, qui, comme vous le savez, vont demander à revenir dans ce bas monde afin de bien œuvrer. Allah subhanahu wa ta'ala dit et si jamais ils y étaient renvoyés, ils retourneraient vers ce qui leur était interdit et ce sont en vérité des menteurs. Donc cette chose-là qui ne se passera pas, étant donné que cette requête que vont formuler les gens de l'enfer à Allah subhanahu wa ta'ala, pour qu'il les fasse sortir de l'enfer et les fasse retourner dans ce bas monde afin de bien œuvrer, cette requête qui ne le sera pas accordée, Allah subhanahu wa ta'ala dit à son propos, si jamais ils y étaient renvoyés, ils retourneraient vers ce qui leur était interdit, et ce sont en vérité des menteurs. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a le savoir, la science de ce qui s'est passé, de ce qui se passe, de ce qui va se passer, également de ce qui ne s'est pas passé, et de ce qui ne s'est pas passé, comment ça se serait passé si ça s'était passé. Donc le premier point, concernant la croyance au destin, c'est la science, de savoir que la science d'Allah subhanahu wa ta'ala embrasse toutes choses. Le deuxième point, c'est l'écriture. Le deuxième point, c'est l'écriture. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait ordonné à la plume d'écrire tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Et que la plume donc a exécuté cet ordre et a écrit cela dans la tablette gardée al-lawh al-mahfouz. Tu dois donc avoir la conviction de cela. Et que tout ce qui découle de la première étape qu'on a mentionnée, à savoir la science, ça a été écrit dans, concernant donc cette création, ça a été écrit dans la tablette gardée. Le troisième point, c'est la volonté. La volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qu'il veut est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. Et tu dois donc avoir cette conviction-là. Ce qu'il veut, donc on parle ici de la volonté cosmologique, liée donc à la création. Ce qu'il veut que ce soit, c'est, et ce qu'il ne veut pas que ce soit, mais ça n'est pas. Et le dernier point, la dernière étape, c'est la création. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les êtres et il a créé également leurs actes. Tu dois avoir la conviction qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé les êtres et il a créé également leurs actes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela a été rapporté par l'imam al-Bukhari dans son livre Khalq Afa'al al-Ibad, c'est un hadith valable. Allah est le façonneur de tout façonneur et de ce qu'il façonne. Allah est le créateur, façonneur, de tout façonneur et de ce qu'il façonne. Ce qui est une preuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur de tout être et également de ses œuvres. Tu dois donc avoir la foi en ces quatre points-là, dans l'ordre donc, la science, également, c'est le second point, al-kitab, l'écriture, qu'on a expliqué brièvement. Troisièmement, la volonté. Et quatrièmement, la création. Tu dois donc avoir foi en ces quatre étapes de la prédestination, du destin. Et sache également, et c'est un point très important, que tu dois avoir la conviction que ce qui t'a atteint ne pouvait pas t'échapper. Ce qui t'a atteint ne pouvait pas t'échapper. Et que ce qui t'a échappé ne pouvait pas t'atteindre. Tu dois donc avoir cette conviction-là. Et ce sujet-là, c'est un sujet très important qui nécessiterait plus de détails. Et ce qui est important dans cela, c'est de savoir que la prédestination fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'on a vu précédemment que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne pourras pas les cerner et tu ne pourras pas en connaître le comment. Donc tu te contentes de connaître ce qui a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala dans son noble livre et également dans la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il reste combien de temps? 6 minutes. Oui, bon, on va essayer de prendre donc le troisième niveau. Naam. L'auteur rahimahullah ta'ala a dit, le troisième niveau, l'excellence, ne repose que sur un pilier. Il s'agit d'adorer Allah comme si tu le vois, comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Pour preuve, les paroles du Très-Haut, Inna Allah ma'a alladhina taqaw wa alladhina hum muhsinun. En vérité, Allah est avec ceux qui le craignent et avec ceux qui font le bien. Et le verset, Wa tawakkal 'ala al-'aziz ar-rahim alladhi yaraka hayna taqoum wa taqallubaka fi as-sajidin innahu huwa as-sami'u al-'alim. Et place ta confiance en Allah, le Tout-Puissant, le Très Miséricordieux, qui te voit lorsque tu te lèves et suit tes mouvements parmi ceux qui se prosternent. Il est en vérité celui qui entend et qui sait tout, ainsi que les paroles d'Allah. وَمَا تَكُونُوا فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Tu ne te trouves dans aucune situation, tu ne récites aucun passage du Coran, vous n'accomplissez aucun acte sans que nous en soyons témoins au moment où vous l'entreprenez. Et non. Tu as quoi, le hadith de Jibril? Passe directement au commentaire. Cheikh Najmi rahimahullah ta'ala a dit, nous avons déjà expliqué le premier niveau de la religion, l'islam, ainsi que ses piliers, puis le second niveau, la foi et ses piliers. Nous avons montré que l'islam était plus général que la foi, dont le champ est plus restreint, et que si les deux notions étaient citées ensemble, l'islam se rapportait aux actes extérieurs, alors que la foi se référait aux croyances intérieures. Quant à l'excellence, al-ihsan, il représente le plus haut degré de la religion. Et le terme ihsan dans la langue arabe englobe deux significations. 1. L'excellence, c'est ce sens que nous avons utilisé pour traduire cette notion. Le serviteur d'Allah excelle dans l'adoration de son Seigneur. Il l'adore sincèrement et exclusivement au point qu'il croit en lui comme s'il le voyait. C'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué l'ihsan ainsi. Il s'agit d'adorer Allah comme si tu le voyais. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Adorer Allah comme si tu le voyais constitue le plus haut niveau de l'excellence. Il s'agit de croire à ce que tu ne vois pas avec la même certitude que ce dont tu es le témoin oculaire. C'est le sens de l'expression « comme si tu le voyais ». Car si tu ne le vois pas, lui te voit. C'est le deuxième niveau de l'excellence qui est inférieur au premier. Il s'agit de croire avec certitude qu'Allah te voit, accomplir tes actes d'adoration, ce qui t'incite à exceller dans leur accomplissement. Donc la première signification est l'excellence, comme le prouve le hadith Jibril, bien connu, rapporté par Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, et qui commence ainsi. Alors que nous étions assis en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un homme se présenta à nous. Naam. Donc ici, le Cheikh Najmi rahimahullah, il explique les propos de l'auteur, Mohammed ibn Abdel Wahhab, rahmatullahi alayhi, concernant le troisième niveau de la religion, qui est l'excellence, l'ihsan, et qui repose sur un seul pilier, qui consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et le Cheikh Najmi rahimahullah, il a expliqué que ce seul et unique pilier de l'excellence, l'ihsan, on peut le décomposer en deux niveaux. Le premier niveau, qu'il s'agit d'adorer Allah comme si tu le voyais. Comme si tu le voyais. C'est là donc le plus haut de ces deux niveaux-là. Car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et ça, c'est le second niveau. Ça reste dans l'excellence, mais c'est un degré ou un niveau inférieur au premier. Qui consiste à avoir à l'esprit que si tu ne le vois pas, eh bien lui, il te voit. Eh bien lui, il te voit. Et le Cheikh Al-Najmi, il a expliqué que ce principe d'Al-Ihsan, il a deux domaines. On peut dire ça comme ça. Le premier donc, C'est l'excellence dans l'adoration dont fait preuve le serviteur d'Allah vis-à-vis de son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et c'est là donc, il y a deux niveaux dans cela. Le fait d'adorer Allah comme si on le voyait, c'est là le premier niveau et le plus haut. Et le second, adorer Allah en ayant l'esprit que même si on ne le voit pas, eh bien lui, il nous voit, subhanahu wa ta'ala. Et ça a été mentionné donc le hadith de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, que l'on va lire plus tard, incha'Allah ta'ala. Na'am. La bienfaisance envers les créatures d'Allah. Il s'agit d'être bon envers les gens et de leur rendre service de quelque manière que ce soit. Faire l'aumône aux indigents et aux pauvres dans la mesure de nos moyens. Instruire celui qui est ignorant. Tirer une personne d'un danger ou d'une difficulté. Ou s'efforcer d'aplanir ses difficultés. S'il n'est pas en train de commettre une mauvaise action, en l'aidant grâce à la position que l'on occupe ou grâce à nos biens. Ordonner le bien et proscrire le mal. Prononcer une bonne parole, bien traiter ses voisins, tout ceci et bien d'autres choses font partie de la bienfaisance dont les formes sont donc multiples et variées. Néanmoins, le hadith Jibril a expliqué l'ihsan par la première des deux significations que nous avons mentionnées. L'excellence, qui englobe d'ailleurs la deuxième signification, la bienfaisance. En effet, si tu fais l'aumône en étant convaincu qu'Allah récompensera ce don par un bienfait, alors par ton acte de bienfaisance, tu as atteint ce degré de l'excellence. Même chose si tu endures le mal qu'on te fait, persuadé d'en être récompensé. Nous avons donc clairement montré que Al-Ihsan englobait deux significations, l'excellence dans les œuvres et la bienfaisance envers les créatures en tant qu'acte d'adoration. Na'am, donc ici le Cheikh Najmi rahimahullah, il a terminé en expliquant qu'Al-Ihsan, elle englobait deux significations. La première, qui est comprise directement... Na'am, donc, on termine. L'ihsan, donc, englobe deux significations, l'excellence dans les œuvres et la bienfaisance envers les créatures. La première, donc, elle est directement comprise du hadith de Omar, radiyallahu anhu, que du coup, on va avoir le temps de lire, dans les œuvres et la bienfaisance envers les créatures en tant qu'acte d'adoration. Na'am, donc le hadith de Omar, qui est, donc comme l'a mentionné ici le shir, la preuve tirée de la sunna, c'est le célèbre hadith de l'ange d'Ibril d'après Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qui dit un jour, alors que nous étions assis auprès de l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, se présenta un homme vêtu d'habits d'une blancheur éclatante et aux cheveux très noirs. On ne pouvait distinguer sur lui aucune trace de voyage, alors que personne d'entre nous ne le connaissait. Il prit place face au prophète, plaça ses genoux contre les siens, posa les paumes de ses mains sur ses cuisses et lui dit « Ô Mohammed, informe-moi sur l'islam ». L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit « L'islam consiste en ce que tu témoignes qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah et que Mohammed est son envoyé, que tu accomplisses la prière rituelle, t'acquittes de la zakat, jeûne le mois de Ramadan ». Et effectue le pèlerinage à la maison d'Allah, si tu en as les moyens. Son interlocuteur lui répondit, tu as dit vrai. Et nous, de nous étonner, qu'il interroge pour ensuite l'approuver. Puis il reprit, informe-moi sur la foi al-Iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu, la foi consiste à croire à Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes au jugement dernier, ainsi que croire au destin qu'il te soit favorable ou défavorable. L'homme lui dit encore, tu as dit vrai. Et il reprit, informe-moi sur la bienfaisance et l'ihsan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, la bienfaisance consiste à adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. L'homme lui dit encore, informe-moi sur l'heure du jugement dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, celui qui est interrogé n'est pas plus savant que celui qui le questionne sur ce point. L'homme lui dit alors, informe-moi sur ses signes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit, lorsque la servante engendrera sa maîtresse, lorsque tu verras les va-nu-pieds, ceux qui vont nus, les miséreux, les bergers se concurrencer dans les constructions de bâtisses de plus en plus hautes. Là-dessus, l'homme partit, je demeurai là un long moment, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ô Omar, sais-tu qui m'a interrogé? Je dis non, Allah et son envoyé sont plus savants. Il dit, cet homme était l'ange Jibril, venu vous enseigner votre religion. Et donc ce hadith, qui est donc le célèbre hadith, le célèbre élan hadith de Jibril, alayhi salam, rapporté par Omar, il prouve et il mentionne textuellement les cinq piliers de l'islam, les six piliers de la foi, et le seul et unique pilier d'al-ihsan, la bienfaisance, tout en citant les deux niveaux de la bienfaisance ou de l'excellence. Le premier niveau, c'est d'adorer Allah comme si on le voyait, et le second, c'est de l'adorer en ayant l'esprit que même s'il ne nous voit pas, que même si nous ne le voyons pas, lui, il nous voit. Subhanahu wa ta'ala. Et on aura peut-être l'occasion d'aborder cela si on aborde par exemple les 40 hadiths de Nawawi. Allah subhanahu wa ta'ala li wa lakum at-tawfiq. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.